Les rideaux tomber de plus en plus vite. Vois les rideaux tomber, les faux semblants descendre. Vois les rideaux tomber, les gens devoir se positionner. Effraction, division dans le peuple. Jamais autant fractionné dans les familles, les couples. Quand est-ce qu'on en parle? L'impact sur l'intimité. Destruction du secret médical. Au nom de la sécurité. Dis bien. Chaud. Dans ton techno-cocon. Dis bien. Chaud. Dis bien. On est bien au chaud. Déconnecté. bien au chaud, loin de l'Afghanistan. Séparés par des mers, des continents, loin de portée des missiles intercontinentaux. Disco consciente des enjeux géopolitiques, non correct, géopolitiquement disco conscient, deux pieds sur terre. Frères humains qui avec nous vivaient, liés contre nous les cœurs endurcis. Frères humains, sœurs aussi, car après d'autres que nous vivrons, des légions après nous vivrons. Me and you, us and them. Me and you, us and them. Frères humains. Qui avec nous vivait, qui avec nous en même temps. Vivons Gata, Bravo, Sister, Mama. Thank you. de l'argent